الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الصيام من أنفع العبادات وأعظمها آثارا في تطهير النفوس وتذهيب الأخلاق وله فوائد عظيمة من أعظمها أنه سبب لزرع تقوى الله في القلوب وكف الجوارح عن المحرمات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فبين سبحانه في هذه الآية أنه شرع الصيام لعباده ليوفر لهم التقوى والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير وقد علق الله التقوى أو علق الله بالتقوى خيرات كثيرة وثمرات عديدة وكرر ذكرها في كتابه لأهميتها وقد فسرها أهل العلم بأنها فعل أوامر الله وترك مناهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه قوله تعالى لعلكم تتقون قال الإمام القرطبي لعل ترج في حقهم وتتقون تتركون المعاصي فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي وقيل لتتقوا المعاصي وقيل هو على العموم لأن الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ووجاء وسبب تقوى الله لأنه يعني يميت الشهوات serviteur d'Allah craignez Allah et sachez que le jeûne est parmi les formes d'adoration les plus bénéfiques et les plus importantes et c'est parmi les adorations qui ont le plus grand effet pour la purification de l'âme et pour corriger le comportement et le caractère et parmi les grands bienfaits du jeûne du ramadan c'est que c'est quelque chose qui fait pousser dans le cœur du croyant la crainte d'Allah et la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait en sorte que le corps s'abstienne plus facilement des interdictions et des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, il a été prescrit pour vous le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui ont été avant vous, ou ceux qui sont venus avant vous, pour que vous puissiez atteindre la piété ou obtenir la piété, at-taqwa. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset à ses serviteurs les raisons et les causes pour lesquelles il leur a ordonné يعني le jeûne, et c'est pour qu'ils acquièrent التقوى, la piété. Qu'est-ce que signifie التقوى? التقوى, c'est une parole ou c'est un mot qui comprend toutes les caractéristiques du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que dans يعني, la piété, il y a de grands biens et de grands fruits, des fruits bénéfiques pour le croyant. Et dans le Coran, on retrouve le terme taqwa mentionné de nombreuses fois. Et les ulama de l'islam ont expliqué que le mot taqwa signifie de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne et de s'abstenir ou de délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par espoir en la récompense et en yani, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et par crainte de son châtiment. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allakum tattaqoun, pour que vous puissiez yani, acquérir la piété, eh bien c'est-à-dire parce que Allah subhanahu wa ta'ala espère pour vous cette piété, et at-taqwa, c'est-à-dire il souhaite que par cela vous puissiez abandonner les péchés. Et une des raisons pour lesquelles le jeûne diminue ou aide le serviteur à diminuer son péché, c'est parce que lorsque la personne cesse de manger ou diminue de ce qu'elle mange, eh bien ses désirs en même temps yani, s'affaiblissent. Il a moins de désirs. Et donc, étant donné que ses désirs diminuent, eh bien le nombre de péchés qu'il fait également diminue. Et en même temps, il diminue de commettre des péchés et il diminue dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne, c'est une protection, hein, c'est comme un bouclier, hein, junna. Et donc, le jeûne est une des causes pour faire diminuer ou pour tuer les désirs et les passions. ومن فوائد الصيام أنه يعود الإنسان الصبر والتحمل والجلد لأنه يحمله على ترك مألوفه ومفارقة شهواته وعن طواعية واختيار. Donc le jeûne habitue le serviteur à faire preuve de patience, à faire preuve d'endurance et à supporter des choses difficiles, et il aide le serviteur également à yani, se détacher de ce qu'il désire, de se séparer de ses passions et des choses qu'il aime, et il fait cela volontairement et de son propre gré. وهو يعطي كذلك قوة لل يعني يعطي قوة للمسلم الذي عنده معاصي على تركها وعلى الابتعاد عنها. Également, le jeûne du Ramadan donne de la force aux croyants, aux musulmans qui font des péchés, d'avoir la capacité et la force de s'éloigner de ces péchés-là et de yani, s'en écarter. وَيُرَبِّهِ تَرْبِيَةً عَمَلِيَةً عَلَى الصَّبْرِ عَنْهَا وَنِسْيَانِهَا حَتَّى يَتْرُكُهَا نِهَائِيًا. فَمَثَلًا الْمُدَخِّنُ الَّذِي سَيْطَرَتْ عَلَيْهِ عَادَةُ التَّدْخِينِ صَعُبَ عَلَيْهِ تَرْكُهَا يستطيع بواسطة الصيام ترك هذه العادة السيئة والمادة الخبيثة بكل سهولة وكذلك سائر المعاصي. Et donc le jeûne, c'est comme une genre d'éducation pour le croyant, et yani, comme un genre d'entraînement pour lui, pour qu'il puisse abandonner les désobéissances et les péchés. Et donc, par exemple, le croyant, faites un peu d'espace pour les frères parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace malheureusement. Donc le croyant qui a par exemple pris la mauvaise habitude de fumer par exemple, hein, qui commet le péché de fumer des cigarettes, eh bien lorsqu'il a commencé à adopter l'habitude, la mauvaise habitude de fumer, et que la cigarette yani, est devenue pour lui quelque chose yani, de difficile à abandonner, eh bien, lorsqu'il commence à jeûner, eh bien, ça lui donne la capacité de cesser de le faire. Parce que pendant le mois du jeûne, il n'a pas le droit de fumer durant toute la journée. Donc, le fait qu'il s'éloigne de la fumée et de la cigarette, eh bien, ça fait en sorte que yani, il est capable par la suite d'abandonner. cette habitude-là plus facilement. ومن فوائد الصيام أنه يمكن الإنسان من التغلب على نفسه الأمارة بالسوء فإنها كانت في وقت الإفطار تغالب صاحبها وتنزع أو تنزع إلى تنزع إلى تناول الشهوات المحرمة فلما جاء الصيام تمكن الإنسان من إمساك زمام نفسه وقيادتها إلى الحق. Et donc, parmi les bienfaits du jeûne également, c'est qu'elle aide l'homme à se retenir et à avoir le dessus sur son âme, qui l'appelle à faire des péchés ou à faire des choses mauvaises. Donc, lorsque la personne était en dehors du jeûne, parfois son âme avait le dessus sur elle, tandis que durant le jeûne, eh bien, elle prend son âme par les rênes et puis elle l'amène vers la vérité. وأنه من فوائد العبد يعني فوائد الصيام أن العبد يذكر نعمة الله عليه فإنه إذا ذاق طعم الجوع والعطش عرف قدر نعمة الله عليه حيث يسر له الطعام والشراب في أوقات احتياجه إليهما فيشكر الله على ذلك. Donc le serviteur, parmi les bienfaits du jeûne, c'est que il apprend à reconnaître les grâces d'Allah sur lui. Il goûte à la faim, il goûte à la soif. Et ça, ça lui fait reconnaître la grandeur de la grâce d'Allah sur lui et la facilité par laquelle il trouve la nourriture et le breuvage qu'il boit. Et donc, lorsque yani, il réfléchit sur ce point-là, il remercie Allah. Il devient reconnaissant envers son Créateur pour tout ce que Allah lui donne comme grâce. وكذلك إنه يحمل الإنسان على الإحسان إلى الفقراء والمساكين فإن الصائم إذا جاع ذكر حاجة الجائعين والمحتاجين فيرق قلبه لهم ويعطف عليهم. Et donc également parmi les bienfaits du jeûne, il y a que l'homme lorsqu'il jeûne, il réfléchit et il pense encore plus aux pauvres. Il pense encore plus à ceux qui sont dans le besoin et qui nécessitent, qui ont besoin de nourriture, qui ont faim ou qui sont dans la pauvreté. Et donc lorsqu'il jeûne, il se souvient de leurs besoins à eux aussi, et il pense à eux, et son cœur devient plus sensible à leur situation, et il peut ensuite les aider plus facilement. ومن فوائد الصوم أنه يسهل على الصائم فعل الطاعات وذلك ظاهر يعني من تسابق الصائمين إلى فعل الطاعات التي ربما كانوا يتكاسلون عنها وتثقل عليهم في غير وقت الصيام. Également, parmi les bienfaits du jeûne, c'est que le jeûne facilite pour le serviteur le fait de faire les actes d'obéissance. Et on voit que les jeûneurs, lorsqu'ils jeûnent, ils compétitionnent les uns avec les autres dans le fait de faire le bien et dans le fait d'essayer de faire des actes de bien. Chacun veut essayer de dépasser l'autre dans la piété, dans l'obéissance, dans les actes d'adoration d'Allah. Alors qu'auparavant, parfois on peut remarquer que en dehors du Ramadan, parfois ou en dehors du jeûne, on fait preuve de plus de difficulté, de paresse. Donc le jeûne encourage à faire plus de bien. ومن فوائد الصيام أنه يرقق القلب ويلينه لذكر الله عز وجل ويقطع عن الشواغل والمنسيات. Également, le jeûne du Ramadan adoucit le cœur du croyant et fait en sorte qu'il devient plus sensible au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne également te coupe de beaucoup de préoccupations que tu as dans la vie. Parce que déjà d'enlever le temps du repas dans la journée, eh bien ça ouvre la place et ça donne le temps à faire beaucoup d'autres actes d'adoration et des choses de bien. ومن فوائد الصيام أنه ربما يعني يحدث في قلب العبد محبة للطاعات وبغضا للمعاصي بصفة مستمرة فيكون منطلقا إلى تصحيح مفاهيم الإنسان وسلوكه في الحياة. Et également parmi les bienfaits du jeûne, il y a le fait que, approchez-vous un peu pour donner un peu de place aux frères. نعم, il y a le fait que Le jeûne fait en sorte que le serviteur va apprécier et aimer encore plus le fait de faire du bien et d'adorer Allah. Et va même mettre dans son cœur aussi la haine envers le péché. Hein, et que cela va yani, rester comme une caractéristique qui est permanente chez lui par la suite. Et ça va l'amener à corriger son comportement et sa conduite dans sa vie tout entière. Donc le jeûne du Ramadan est un moyen pour ça et un moment de l'année dans lequel le serviteur peut commencer à corriger ses mauvaises habitudes qu'il a durant le reste de la vie pour adopter des meilleures habitudes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن للصوم آدابا تجب مراعاتها والتخلق بها ليكون الصوم متمشيا على الوجه المشروع لتترتب عليه فوائده ويحصل المقصود منه ولا يكون تعبا على صاحبه بدون فائدة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من الصيام أو من صيامه الجوع والعطش. فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب فقط، لكنه مع ذلك ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأفعال المحرمة والمكروهة. Serviteur d'Allah, sachez que le jeûne doit adopter certains comportements, certaines habitudes et adopter certaines conduites durant le jeûne du Ramadan pour que son jeûne soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que son jeûne produise les effets et les bienfaits voulus et recherchés. Et donc, si quelqu'un veut obtenir de son jeûne plus que uniquement de la fatigue, hein, et de la faim et de la soif inutile, il faut que la personne non seulement cesse de manger et de boire ou d'avoir des rapports intimes avec son épouse durant la journée, mais il doit également s'abstenir des paroles mauvaises et des actions mauvaises durant le jeûne du Ramadan et de tout ce qui est haram ou détestable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est possible qu'une personne fasse son jeûne mais qu'elle n'en tire que la faim et que la soif parce qu'elle ne s'abstient pas de toutes les autres choses qui sont interdites dans la religion. وقال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب فإنه لا يتم التقرب إلى الله بترك الشهوات المباحة إلا بعد التقرب إلى الله بترك ما حرم الله عليه في كل حال. Certains d'entre les salafs, d'entre les pieux prédécesseurs parmi les sahaba et ceux qui sont venus après, ils ont mentionné que la chose la plus facile dans le jeûne, c'est d'abandonner la nourriture et l'eau qu'on boit ou qu'est-ce qu'on boit. Et tu ne pourras pas te rapprocher d'Allah en abandonnant les choses que tu aimes qui sont permises, excepté en ayant commencé par abandonner ce que Allah t'a interdit en tout moment et en tout instant. Parce que qu'est-ce qui est haram dans le reste de l'année, c'est haram dans le Ramadan et encore plus haram que d'habitude. Hein? Donc si tu le fais pendant le Ramadan, c'est encore plus grave comme désobéissance d'Allah. والمسلم وإن كان واجبا عليه ترك الحرام في كل وقت إلا أنه في وقت الصيام آكد. Donc même si le musulman doit s'abstenir durant toute l'année de ce qui est haram, mais c'est encore plus grave s'il fait ce péché là durant le Ramadan. فالذي يفعل الحرام في غير وقت الصيام يأثم ويستحق العقوبة وإذا فعله في وقت الصيام فإنه مع الإثم واستحقاق العقوبة يؤثر ذلك على صيامه بالنفس بالنقص أو البطلان. Donc si par exemple lorsque tu fais des péchés en dehors du Ramadan, tu mérites un châtiment d'Allah pour ça, et bien si tu fais ce péché durant le Ramadan, en plus de mériter le châtiment et le péché, eh bien, tu risques d'affecter ton jeûne. Soit de faire en sorte que ton jeûne soit déficient, ou bien que ton jeûne soit même annulé complètement ou invalable. فالصائم حقيقة هو من صام بطنه عن الشراب والطعام وصامت جوارحه عن الآثام وصام لسانه عن الفحش والرديء الكلام وصام سمعه عن الاستماع إلى الأغاني والمعازف والمزامير وكلام المغتاب والنمام وصام بصره عن النظر إلى الحرام. Donc, le vrai jeûneur, en réalité, c'est celui dont le ventre a jeûné et il a cessé de boire et de manger, et également celui dont le corps a jeûné en s'abstenant des péchés, et celui dont la langue a jeûné en s'abstenant des paroles mauvaises, et celui dont l'ouïe a jeûné en s'abstenant d'écouter la musique et les instruments, ou en s'abstenant d'écouter celui qui fait de la médisance et qui ment sur les gens ou qui répand sur eux des fausses rumeurs, et également tu jeûnes avec tes yeux en t'abstenant de regarder ce qui est haram. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui n'a pas délaissé le fait de parler des choses fausses, ou bien de faire des actes qui sont incorrects ou qui sont péchés, eh bien celui-là, Allah n'a aucun besoin de sa part qu'il cesse de manger et de boire. Donc c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, ce qui nous indique que le jeûneur doit jeûner non seulement en s'abstenant de manger et de boire, mais il doit également jeûner en s'abstenant de tout ce que Allah lui a interdit, que ce soit des péchés qu'il fait avec ses mains, avec ses pieds, avec ses yeux, avec sa bouche, avec ses oreilles, ou peu importe quelle partie de son corps. Naam, avant de terminer cette khutbah, juste pour vous mentionner un peu qu'est-ce qui se passe par rapport à la mosquée, bien entendu, la lune est vue ce soir après le maghrib, donc ça veut dire que le jeûne Ramadan va être demain. Si le croissant de lune n'est pas vu ce soir, donc ce sera bien entendu le jour d'après, qui sera le début du Ramadan. Inch'Allah, on fera la prière de Tarawih ici. On espère que les travaux de rénovation de la mosquée et d'agrandissement de la mosquée seront terminés le plus vite possible, inshallah, pour que justement on puisse pouvoir faire les prières régulières et les prières de Tarawih également ici, inshallah. On va commencer, si c'est ce soir ou demain, on va commencer, inshallah. Sauf que lorsque on va commencer les travaux, c'est sûr que on aura plus d'espace lorsqu'on aura terminé pour accueillir plus de personnes. Donc pour l'instant, il n'y aura pas beaucoup de place, mais aussitôt qu'on a la possibilité, on va faire le mur qui va partir de cette porte, qui va aller jusqu'à l'autre mur au fond. Donc on aura tout cet espace qui sera pour la mosquée, pour faire la prière. Hein. Donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de terminer ce projet, inshallah, le plus tôt possible. Et donc on demande aux frères leur support et leur aide, et également la patience avec le travail, parce que des fois ça va un peu lentement. Donc naam, donc ça c'est les paroles. Ceux qui veulent aider financièrement aussi pour les dépenses et pour les nouvelles choses qu'on doit mettre, comme le nouveau tapis et les autres choses de ce genre, l'aide est acceptée et bienvenue, et en particulier dans ce mois de Ramadan, la récompense pour ça sera multipliée. Et bien entendu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que celui qui a construit pour Allah une maison dans cette dunya, et bien Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison dans le paradis. Donc ça fait partie des choses qui rentrent dans la récompense qui est mentionnée par rapport à ce hadith. Celui qui aide également à rénover une mosquée aussi, il a cette récompense-là, et inshallah. Donc,